Pourquoi toutes ces questions te sont-elles renvoyées, Jay? Je ne suis pas plus à l'aise avec la réalité. Pourquoi toutes ces actions sans pouvoir t'arrêter, Jay? N'est-il pas un pétard pour te rendre la vie plus gaie? Ils disent pouvoir t'aider en t'écoutant parler. Ne crois pas ces mensonges, tu leur as tout donné pendant toutes ces années. Crois-tu tourner plus rond? La seule qui peut te...